Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Neuvième épisode, la démobilisation des volontaires étrangers. Pour la République, la percée d'Aragon a des conséquences très graves. Le monde entier ne peut que constater la supériorité des franquistes et de leurs alliés. Tandis que Franco proclame que la guerre est le couronnement d'un processus historique de lutte de la mère patrie contre l'antipatrie, l'écrivain russe Ilya Ehrenburg écrit dans la Pravda que l'Union soviétique tend la main de la réconciliation aux patriotes espagnols, c'est-à-dire aux phalangistes. Beaucoup de spécialistes et de chefs militaires du pays ami quittent l'Espagne, alors qu'on reconstitue les brigades internationales près de Barcelone. Durement éprouvées, certaines sont désormais composées à 60% d'Espagnols. Pour tenter de rétablir l'unité du territoire républicain, l'armée de l'Est, renforcée par des troupes fraîches venues du sud, livre le 24 juillet 1938 l'offensive de la dernière chance dans le sud de l'Aragon, le long de l'Ebre. L'effet de surprise permettra à l'armée républicaine de repasser le fleuve. Ensuite, le front se stabilisera jusqu'au début du mois de novembre. Cette bataille est la dernière pour les brigades internationales, car le 1er octobre, la Société des Nations exige le retrait de tous les étrangers d'Espagne, que seule la République appliquera. Les volontaires internationaux survivants vont défiler dans Barcelone le 15 novembre, dans un émouvant adieu aux Espagnols. Au même moment, la contre-offensive franquiste détruit quasiment l'armée de l'Est. Le 21 décembre, Franco fonce sur la Catalogne. Et après le passage de ses soldats, la répression et les massacres commencent. La fin de ce conflit voit mourir des dizaines de milliers d'hommes, alors que militairement les jeux sont faits depuis des semaines. Certains dans le camp républicain pensent qu'il faut tenir le plus longtemps possible parce qu'un conflit mondial est sur le point de se déclencher et que les démocraties se joindront à l'Espagne. Mais ces dernières signent le 30 septembre les accords de Munich, entérinant l'invasion de la Tchécoslovaquie par Hitler. Les deux derniers mois de la guerre en Catalogne se passent de la manière la plus tragique qui soit. Sous d'intenses bombardements, les Barcelonais sentent de jour en jour l'étau se resserrer sur la ville, tandis que les soldats républicains s'y replient en catastrophe. La frontière avec la France devient l'horizon final du combat. Comme le dit Abel Paz dans ses souvenirs, empreint d'une ironie douloureuse. Les héros étaient morts. Et seuls restaient debout les fantômes de ce qui aurait pu être, mais ne serait plus. Tout semblait indiquer que la capitale catalane n'offrirait aucune résistance. La guerre avait épuisé l'enthousiasme révolutionnaire. Avant de fuir dans les derniers camions, des anarchistes vont libérer les prisonniers de la Modelo et du fort de Montjuïc. Barcelone tombe sans combattre le 26 janvier 1939. Et dans la confusion générale, des centaines de milliers de personnes partent sur les routes, souvent à pied. L'armée en déroute les couvre comme elle le peut, avec l'aide d'une ultime brigade internationale reconstituée par des réfugiés politiques démobilisés. Ces Autrichiens, Polonais, Hongrois, Allemands, Italiens avaient été jugés indésirables et refoulés 3 mois plus tôt à la frontière française. Nous avions dressé le camp aux environs d'un village qui regorgeait de réfugiés aragonais, tous originaires de Bujaraloz, Pina, Trelsa et les hameaux de cette région. J'y retrouvais la plupart de mes amis, la tia Pasquale, ses filles, et un des deux garçons de la maison. La Nina, toute petite à côté d'un gars, blond comme les blés et qui paraissait un géant. Elle me le présenta en disant simplement ces mots. Mi compañero. Des copains de Pina me parlèrent de la façon dont la brigade Lister avait dissous les collectivités de la vallée de l'Èbre, détruisant toutes les archives pour effacer les preuves du travail accompli et employant les armes là où elles trouvaient une opposition plus forte ou mieux organisée. Je retrouvais là, parmi les autres, une jeune femme et sa fillette, originaire de Peñalba. Après la mort de mes amis Joe et Freddy, je lui avais promis de m'occuper d'elle et de sa fille, si je sortais vivant et pas trop amoché de cette guerre. Mais cela fait partie d'une autre histoire. Nous étions repartis en ligne. Après avoir défendu nos positions de 2 ou 3 attaques et avoir repoussé l'adversaire avec perte et fracas, nous avions été relevés et envoyés à Santa Maria de Moya. La bataille de l'Èbre faisait rage. Les nouvelles qui nous parvenaient étaient contradictoires et imprécises. Mais toutes concordaient sur un point. C'était un véritable enfer. Notre commandant avait établi son PC dans les bâtiments d'une ferme, à près de 200 mètres d'une falaise, qui me faisait penser à la proue de 3 bateaux échoués sur une plage. En réalité, une prairie qui descendait en pente douce. Notre secteur était calme. Je passais mes journées à lire ou à me faire bronzer, mes soirées à discuter avec l'un ou l'autre des hommes de garde au PC du bataillon. Un jour, Catala vint me rejoindre dans le pré, où comme d'habitude je m'étais retiré après le repas de midi, pour lire en toute tranquillité un roman de Federico Urales, le père de la Monseni, que l'on venait de me prêter. Le voyant venir, j'enfilai en vitesse mon pantalon car j'étais nu comme un ver. Je le saluai en disant « Bonjour mon commissaire ». Il n'y a plus de commissaire, et je n'ai pas d'ordre à te donner. De quoi ? Je voudrais que tu me dises comment on pourrait instaurer une société libertaire aujourd'hui, sans passer par le communisme marxiste, pour préparer les hommes à vivre dans la collectivité libertaire ? Comment on pourrait, sans employer la force, obliger tous les hommes à travailler, à produire, comme tu dis ? Je dois reconnaître en toute franchise que sur le coup je fus un peu embêté pour lui répondre. Je n'ai jamais été un orateur ou un propagandiste. Et quand la révolution avait éclaté en Espagne, j'étais un révolté, un rebelle, un hors-la-loi parfois, un de ceux qu'aujourd'hui on appelle des marginaux. Mais rarement j'avais essayé de convaincre quelqu'un de la justesse de mes idées, de mes rêves. Je l'ai regardé un moment en silence, puis je lui ai dit « Nous exposons nos idées, nous ne les imposons pas. Nous ne recourons à la violence que lorsque nous y sommes obligés pour défendre notre liberté et celle des êtres qui nous sont chers. Quand la violence morale et matérielle du système devient intenable, quand le mépris et la morgue se rient de la misère et de la souffrance, alors, poussé au désespoir, préférant la mort à une vie d'esclave, un camarade se lève. La bombe éclate, le pistolet claque. Un roi, un ministre, un président tombe. Et voilà qu'on crie au terrorisme. Non, ce ne sont pas nous les terroristes. Les vrais terroristes sont ceux qui, par tous les moyens, veulent garder à leur seul profit les richesses de la terre. Nous ne demandons pas que l'on nous fasse confiance, que l'on nous donne la possibilité d'établir des lois et la puissance pour les imposer. Nous ne demandons pas ce que demandent les politiciens, car nous sommes des hommes et sommes corruptibles, comme eux. Nous disons que tous les travailleurs du monde doivent prendre conscience de leurs droits, qu'ils doivent assurer la pleine responsabilité de leur production et des outils et matériaux qu'ils emploient dans leur travail. En abolissant la monnaie, on détruit le moyen de corruption qui permet la différenciation des classes sociales. Notre organisation sociale est celle de la jungle. Le plus fort, le plus rusé, se nourrit du plus faible. Depuis toujours, des hommes se sont levés pour prêcher le respect de la vie, l'égalité entre tous les humains. Bouddha et Jésus sont les plus connus de ces hommes. Révolutionnaires en leur temps, un a disparu, l'autre a été tué. Leurs doctrines ont été faussées et sont devenues des moyens d'oppression grâce à l'ignorance des masses prolétariennes. Comment voyons-nous la société future ? Pour nous, libertaires, la société doit être une association des corps de métier nécessaires à la vie et à l'épanouissement de tous les êtres humains, sans préférence ni privilège pour personne. Pour nous, à manœuvre, a les mêmes droits qu'un ingénieur. Du moment que tous les deux donnent le fruit de leur capacité physique ou intellectuelle au service de la collectivité. Chacun doit produire selon ses possibilités et doit consommer tout ce qui lui est nécessaire. Je me souviens que nous nous séparâmes à la tombée de la nuit. Avant de me quitter, il me dit en souriant « Oui, ça serait beau si on pouvait réaliser ce que tu dis. Mais les hommes sont ce qu'ils sont, et vos idées ne sont qu'un rêve. » Je dois avouer que je n'ai pas dit au commissaire que ce que je lui avais exposé se trouvait écrit, presque mot par mot, dans le cahier que Mario m'avait légué. Mon ami avait dans ce mince cahier exposé la somme de son expérience, de ses espoirs et de son idéal. Je vous demande pardon de ce long exposé d'idées. Pour moi, les souvenirs ne sont pas seulement les faits matériels, les combats, les aventures, mais aussi les motivations, plus ou moins conscientes, qui nous faisaient agir. Je restais à Santa Maria de Moya environ un mois. Un matin, on me convoqua au QG du 2e corps d'armée, où l'on me dit que je devais quitter le front. J'étais démobilisé, comme tous les volontaires étrangers. Deux jours après, j'arrivais à Barcelone. La ville et sa banlieue regorgeaient de réfugiés. Le ravitaillement étant très difficile, la faim et la misère s'ajoutaient à l'horreur des bombardements. Malgré cela, dans cette situation catastrophique, dans les hautes sphères de la politique, on continuait à se chamailler pour la conquête d'un pouvoir illusoire. Et les polices communistes chassaient les militants du POUM. Moi, je travaillais dans un dépôt, où arrivaient les colis que les parents et amis de France envoyaient, pour aider à survivre ceux des leurs qui poursuivaient la lutte. Chaque parti ou syndicat avait son organisation de secours qui recevait l'aide collective ou personnelle que l'on expédiait de France, par camion, une ou deux fois par semaine. À Moncada, j'avais retrouvé ma compagne, qui s'était réfugiée chez des parents. Et pendant quelque temps, je pris le train matin et soir pour aller à mon travail. Puis Antonia loua un appartement, en ville, et nous vécûmes l'existence de tous les habitants de la vieille cité, partagés entre des soucis de ravitaillement et la peur des bombes. Dans cette période qui va d'octobre 38 à février 39, j'ai vu s'évanouir l'espoir que je nourrissais, en secret, de retrouver certains de mes compagnons de combat. Mario, Lorenzo, Ritter. De tous mes amis, je revis seulement Otto. Gio a été tombé. Mario et Ritter disparurent à tout jamais sur les bords de l'Ebre. Madeleine fut tuée par une bombe, à Barcelone même. La mort avait fait le vide autour de moi. Et je me demande encore aujourd'hui pourquoi elle m'a épargné. J'ai revu aussi Soledad dans les derniers jours de janvier. Elle ne sortait pratiquement plus de l'hôpital, son travail ne lui laissant pas de répit. Ce matin-là, j'arrivais avant l'heure à mon travail. Soledad venait retirer des colis pour les blessés de son service. Après les premières effusions, elle me donna les nouvelles des copains du groupe qui étaient passés, plus ou moins amochés entre ses mains. Pablo fut fait prisonnier, et le Cubain qui avait reçu une balle dans la cuisse l'avait vu traîné par des soldats italiens pendant une contre-attaque. D'autres, beaucoup d'autres, avaient disparu dans la tourmente. Pendant qu'à l'arrière, les grosses têtes de la politique se disputaient les parcelles du pouvoir et que la police donnait la chasse aux militants du POUM et de la FAI, irréductibles partisans de la lutte à outrance. La première semaine de février, pour être plus exact, le 1er février, nous quittâmes, Antonia, Pilar et moi, notre domicile, pour la gare de Barcelone, où je retrouvais quelques Italiens. Rossi Ludovico, sa compagne Louise, et leur fils. Lina Simonetti, Giuditta, la compagne de Francisco Ferrer, petit-fils de celui qui avait été fusillé à Montjuïc, abattu par la Tcheka à Barcelone en mai 37. Auguste Magnani, sa femme et leurs deux enfants. La gare regorgeait d'hommes, de femmes et d'enfants de toute nationalité, inquiets, nerveux et craintifs. Le grand exode des vaincus de la Révolution espagnole commençait. Pareil à toutes les migrations des peuples chassés par les invasions barbares. La cinquième colonne multipliait les attentats et les sabotages. Les armées de Franco étaient aux portes de la ville. Nous quittions la terre d'Espagne avec l'espoir de rejoindre le Mexique, le Venezuela ou le Chili. J'avais dans mon portefeuille un papier du consulat du Mexique qui m'autorisait à me rendre dans ce pays avec ma famille. Le train nous conduisit jusqu'à un hameau à une vingtaine de kilomètres de la frontière où nous passâmes quelques jours. Puis à pied, longeant la voie ferrée, nous nous approchâmes de France. Notre marche était lente pour plusieurs raisons. L'aviation italo-allemande, qui parfois nous mitraillait, nous obligeait à nous éparpiller dans la nature. Les enfants qu'il fallait porter. À cause de la pénurie du ravitaillement à Barcelone, ils étaient tous sous-alimentés, car ils n'avaient pas la force de continuer la route. Nous étions près de Culera, une petite gare, la dernière avant d'arriver à Portbou, lorsque la mort frappa une ultime fois pour moi, en Espagne. Imaginez une foule, hommes, femmes, enfants, traversant un tunnel. Une locomotive, haut pied, sans personne pour la conduire ou pour freiner, s'engageant à toute vitesse dans ce long et obscur boyau grouillant de monde. Mon expérience de trimardeur m'avait fait conseiller à mes amis de marcher en file indienne, le plus près possible de la paroi, et cela nous sauva. La machine passa comme un éclair devant nous, dans un bruit infernal de ferraille, où se mêlaient les cris d'épouvante et de douleur, des blessés et des mourants. La cinquième colonne avait voulu frapper encore une fois, aveuglément, ces êtres qui fuyaient les horreurs de la dictature réactionnaire qui s'abattait sur l'Espagne. Portbou, point terminal des chemins de fer ibériques. Toutes les voies étaient pleines de wagons de marchandises, chargés de munitions, armes, vivres. Depuis deux ou trois jours, au dire des cheminots, la France livrait à l'Espagne républicaine les convois qu'elle avait bloqués depuis deux, quatre, six mois dans ses gares. Elle les livrait en fait à Franco, et à ses amis Hitler et Mussolini. À Portbou, on fit monter les femmes, les enfants et les hommes âgés sur des wagons de marchandises qui rentraient en France. Les hommes valides devaient passer la frontière par leurs propres moyens. Pour la dernière fois, je gravis cette colline que je connaissais si bien, pour l'avoir franchie à la barbe des douaniers, maintes et maintes fois avant 36. En marchant, je sortis mon 9 mm de son étui. Je le démontai en m'aidant de mon canif, et je jetai les différentes pièces loin dans la colline. La gendarmerie et l'armée française nous attendaient. La frontière française est ouverte le 27 janvier 1939. La France reconnaît le gouvernement de Franco le 27 février et envoie le maréchal Pétain comme ambassadeur. Parmi les anarchistes, on ne s'attend pas à être bien reçu en France, comme en témoigne Abel Paz. Notre exil sera dur, très dur. La bourgeoisie française ne nous pardonnera pas notre audace. Souvenons-nous de la répression des communards de Paris. Mais ils n'avaient pas imaginé qu'on allait les parquer sur des plages entourées de barbelés, sans aucun abri face aux rigueurs de l'hiver, comme des hommes en trop. Le 28 mars 1939, Franco entre dans Madrid sans combattre, puis dans Alicante, le 30, où des milliers de personnes, combattants et civils, qui pensaient fuir en bateau, sont prises dans la nasse et finiront fusillées ou dans de sinistres camps. Juste avant, selon des témoignages concordants, plusieurs personnes se sont suicidées devant toutes les autres, marquant ainsi la mémoire collective. La guerre civile est officiellement terminée le 31 mars. Pour ceux qui restent en Espagne, la guerre du vainqueur va durer encore longtemps, et il n'y aura pas de quartier. En 5 jours, on comptera 10 000 exécutions sommaires à Barcelone. On n'a pas fini, aujourd'hui encore, de dénombrer les morts. Antonio Jiménez arrive en France chargé du souvenir de tous ses amis disparus. Mais les recherches dans les centres d'archives que nous avons entreprises nous ont permis de retrouver la trace de certains d'entre eux. Nous avons été surpris de constater que tous n'avaient pas péri en Espagne. Ainsi, Hans, le mari de Madeleine. Entré dans les brigades internationales, il survécut au combat et passa en France où il fut interné dans le camp de Gurs. Durant l'occupation allemande, il fut capturé par la Gestapo. Un autre ami de Jiménez, Franz Ritter, était originaire de Zurich. Après un retour en Suisse pour une permission en août 1937, il revient en Espagne et intègre les brigades internationales. Il rentre dans son pays sain et sauf en septembre 1938. Mais comme la plupart des volontaires suisses, il est condamné à 3 mois de prison pour avoir combattu dans une armée étrangère. L'Italien Carlo Scolari était suivi par la police politique mussolinienne, qui ne l'a presque jamais perdu de vue pendant les années 30. Il a combattu 3 mois en Aragon, puis s'est déplacé à Barcelone pour y travailler. Deux notes d'information parlent d'un passage à Toulon fin 1936 et en décembre 1938, en raison de blessures qu'il vient faire soigner. En septembre 1941, Scolari dépose une demande de rapatriement auprès du consulat et se rend le 23 novembre à Bartonecchia, où il est arrêté et interrogé. Il sera condamné à 5 ans de relégation à Ventotene. Le jeune Lorenzo Giwa tomba effectivement au combat. Ce fils d'un militant socialiste sarde emprisonné par Mussolini en 1934 part en France pour échapper au même sort. Membre actif du groupe Justitia et Libertà, il rejoint les révolutionnaires espagnols dès juillet 1936. Engagé dans les brigades internationales au printemps 1937, il intègre la brigade Garibaldi, où les anarchistes étaient mieux traités que dans les autres. Blessé plusieurs fois et promu capitaine, il meurt en février 1938 sur le front d'Extrémadour. Quant au fasciste dissident Pablo Vallasindi, selon les rapports de la police de Rome, il semble qu'il ait été emprisonné par les communistes à Barcelone, puis à Valence au cours de l'été 1937, pour avoir refusé de commander des détachements contre les légionnaires italiens du camp opposé. Semble-t-il passé en France lors de la retraite républicaine, il serait revenu peu après en Espagne où les franquistes l'auraient arrêté. Il est condamné à perpétuité par le Conseil de guerre de Barcelone pour avoir aidé la colonne Durruti. La dernière trace que l'on ait de lui date de 1943. Emprisonné à la Modello, il espère que l'État fasciste italien viendra à son secours. Parmi les réfugiés aragonais du printemps 1938, nous savons pour les avoir rencontrés que Vicenta et Félix, les deux enfants de la madre de Pina de Ebro, sont toujours vivants et se souviennent fort bien d'Antonio Jiménez. La madre, son mari et leurs 4 enfants ont pu regagner leur village à la fin de la guerre. Antonio n'a pas eu la chance de les revoir.